des soleils du futur. Yeah. Si tu savais ce qui va se passer aujourd'hui ou même demain, on n'en sait rien. C'est pour ça que le matin, faut prier le bien, poteau. Dieu est grand, tout ce qu'on fait est bien. Ne te crois pas que les anges sont avec le bien, ne pourra rien effacer. Le soleil du futur, je sais pas s'il va briller. Les jaloux reviennent en force, mais pourront jamais me gagner. Tout le jour, on voit nos darons, mais y'en a qui les voient pas. Y'en a, bon, elle est morte, y'en a, hamdoulah, elle est là. Parce qu'on veut tous être riches pour vivre en Amérique. Le diable s'appelle Ibis et son surnom, c'est Eric. Mes frères, suis ton chemin, les parents sont là. On n'en sait rien, le lendemain dégage le mal, on garde le bien. Des enculés veulent te mettre à gauche, tu t'en fous, mais l'heure des droites. Tu veux pas aller en enfer, alors fais la salade. De jour en jour, je compose avec mon cœur. Maintenant, mon stylo n'a plus peur, il perd la forme, il garde le cœur. Le soleil du futur, il doit toujours rester. La salade du matin, elle est grave obligée. On éloigne le chétin quand on a le coran dans les mains. Si tu restes seul en bas, je te jugera pour le mauvais chemin. Le soleil du futur, il va toujours rester. La salade du matin, elle est grave obligée. On éloigne le chien quand on a le courant dans les mains. Si tu restes seul en bas, Dieu te jugera pour le mauvais chemin. Si tu savais ce qui va se passer aujourd'hui ou même demain, n'en sais rien. C'est pour ça que le matin, faut prier le bien, poteau. Dieu est grand, tout ce qu'on fait bien. Ne te crois pas que les anges sont avec le bien, ne pourra rien effacer. Le soleil du futur, je sais pas s'il va briller. Les jaloux reviennent en force, nous pourrons jamais me gagner. Tout le jour, on voit nos darons, mais y'en a qui les voient pas. Y'en a, mon père est mort, y'en a, hamdoulah, elle est là. On verra tous un jour pour le mal, ça c'est promis. Les mensonges te trahissent, la vérité est trop risquée. Alors tu préfères rien dire pour que tout soit caché. Les problèmes s'accumulent. Puis c'est début des emmerdes. 4 heures de GAV, tu peux rien voir, y'a pas de fenêtre, y'a pas d'endroit où prier. Même le mur est rempli de saleté. Tu cherches à t'évader, mais tout est sécurisé. Cherche pas à empirer, le soleil viendra prier. Le soleil du futur, il va toujours rester. La salade du matin, elle est grave obligée. On éloigne le chétan quand on a le coran dans les mains. Si tu restes seul en bas, Dieu te jugera pour le mauvais chemin. Le soleil du futur, il va toujours rester. La salade du matin, elle est grave obligée. On éloigne le chétan quand on a le courant dans les mains. Si tu restes seul en bas, Dieu te jugera pour le mauvais chemin.